Bonjour, bonjour, merci d'être calé sur le 95.30, il est pratiquement 10h, l'heure de retrouver votre émission quotidienne tous les dimanches matins de 10h à midi. C'est parti after, Pascal Mancini pour vous accompagner, restez bien surtout calé, on vous parlera des bons plans club pour sortir ce soir et surtout mercredi 30 avril, spécial veille de fête. Bonne émission à vous tous, on est ensemble jusqu'à midi. Et on va commencer tout de suite cette émission tout en douceur. Voici tout de suite une nouveauté, c'est Tora Remote avec le programme Sens sur le label Diami. After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. We'll be right back. House Music. l'instant, c'était Sandy V avec le titre Blip. Vous pouvez retrouver ce titre sous le label Joe Aerocore. On poursuit tout de suite avec Des Ramirez sous le label Toulroom. Party After, chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. Daylight. L'incontournable Delirium à l'instant, remix signé Joe Marquez. On va faire un petit tour tout côté de l'information de proximité et on va vous parler tout de suite d'une exposition en avant la musique du 3 mai au 31 août. Ça se passe au musée des arts et traditions populaires de Waterloo. Découvrez-y toute l'histoire de la musique de Waterloo des années 1800 aujourd'hui. L'entrée est libre, renseignement 03 20 81 59 50. On vous parle aussi sculpture de sable géante jusqu'au 31 août. Ça se passe au Touquet Paris Plage. Découvrez plus de 200 sculptures de sable, espace cinéma, création d'un espace pédagogique illuminé, etc. Avec plus d'informations sur le site www.sculpturedesables.com. Et on va vous parler aussi, pour terminer cette série d'informations de proximité, on parle du Secours catholique qui recherche des familles d'accueil pour le mois de juillet. Ce sont des enfants originaires de toute région de moins de 10 ans. Et si vous voulez faire vraiment plaisir, un seul numéro de téléphone, c'est le 03 20 26 30 69. Je rappelle ce numéro 03 20 26 30 69 et vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site de Galaxy www.galaxyfm.com et vous pouvez aussi téléphoner sur le 03 20 83 57 57 et je mets tout de suite en jeu des places pour les clubs dans différents endroits. Vous avez le choix, vous venez tout de suite au 03 20 83 57 57. Les plus rapides seront bien sûr les plus récompensés. Tout de suite maintenant, vous appelez tout de suite le standard. Galaxy 95.3. Thank you. After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Like me, talk like me, group like me, Un air festif dans les oreilles à l'instant, c'était Fiesta Electronica. Merci de votre fidélité. Vous écoutez bien sûr Galaxy sur le 95.30. On continue cette émission, c'est parti After. On est ensemble jusqu'à midi. The Empire of House Music. Et dans quelques petits instants, on va vous dévoiler les soirées qui auront lieu dans les clubs pour ce mercredi 30 avril. Tous les clubs sont ouverts et on vous fera bien sûr gagner dans quelques instants aussi vos passes pour aller au Bliss, à la Bûche, à l'Escape Concept, à l'Âge de Zoo, au Zoo, ou bien 747, ou bien au Caisse Ouest. Voilà, c'est dans quelques minutes, restez bien calés. l'instant, le remix 2008 de Kadok avec The Night. Toi, Galaxy vous donne l'heure. Il est pile poil 11h. On va faire un petit tour tout de suite. Chose promis du côté des clubs pour ce mercredi 30 avril. On vous a parlé que tous les clubs étaient ouverts. Donc oui, en effet, on va commencer tout de suite par le Bliss pour la fameuse soirée Coxswain. Ça se passera, je vous rappelle, mercredi 30 avril, veille de fête avec l'anniversaire de Kaona à la bûche pour la soirée I Love la bûche avec Alice Kaya, Miss Luna, Miss Jewel, les Def Lumber avec aussi au Bassroom Project avec Manu Kenton au Sherry Moon pour un spécial guest à l'Escape avec la soirée Get Punked avec l'anniversaire de Kevin aussi à l'H2O pour la soirée rétro mais pas trop avec beaucoup d'invités aussi au Pulse avec la soirée Apocalypse Fashion Show au Zoo avec la soirée Rétro House avec aussi tous les résidents avec DJ HS aussi au Platine et au Club 747 ça se place place de Lille à tourner avec la soirée I Love Minimal et justement je dépasse pour vous faire justement pour vous faire un petit peu plaisir ce dimanche matin. J'ai des places pour le Pulse Factory, j'ai des places aussi pour la bûche, j'ai des places aussi pour le Bliss, l'Escape Concept ou bien le Club 747 et aussi j'ai des places pour le Caisse Ouest. C'est tout simple, vous appelez tout de suite le 03 20 83 57 deux fois et les plus rapides seront les plus récompensés. We'll be right back. Bon week-end. toute heure du jour et de la nuit. Happy days on Galaxy. Le meilleur de la scène électronique, un instant avec Starkiller. Galaxy vous donne l'heure, il est 11h31. On va faire tout de suite un petit tour du côté de l'information de proximité. On parle d'une exposition en avant de la musique. Ça se passe du 3 mai au 31 août. Ça se passe au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Découvrez-y toute l'histoire de la musique à Waterloo des années 1800 aujourd'hui. L'entrée est libre. Renseignements au 03 20 81 59 50. On vous parle aussi sculpture de sable. Ça se passe jusqu'au 31 août au Touquet Paris Plage. Découvrez-y l'Afrique centrale et l'un de ses peuples les plus anciens, les plus messaïs, avec plus de 200 sculptures de sable, espace cinéma, création d'un espace pédagogique, illumination. Plus d'infos sur le site de www.sculpturedesables.com. Et on vous parle aussi, pour terminer, ces informations pour le secours populaire, le secours catholique qui recherche des familles d'accueil pour le mois de juillet. Ce sont des enfants originaires de toute région de moins de 10 ans qui partageront avec vous les joies des vacances en famille. Si vous souhaitez devenir famille d'accueil, contactez au plus vite le 03 20 26 30 69. Je répète, 03 20 26 30 69. Et retrouvez bien sûr toutes ces informations et bien d'autres encore sur le site www.galaxy.fm.com. Et dans une demi-heure, c'est notre ami ADN que vous retrouverez aujourd'hui pour une session Electro House. Il sera suivi bien sûr de Michael Hage pour une session Trans, Sly Arnaud, Byron Wesley, Mandré, Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude à partir de 22h. Sans oublier aussi Sick pour sa émission Hardcore à partir de 23h. Galaxy. L'excellent Mont Blanc sur les platines de Galaxy. Dernier quart d'heure à passer ensemble pour refermer ce 10h midi. C'était Party After depuis 10h. On va terminer avec quelques classiques. Voici pour poursuivre Alfie Rosario avec Take Me Up. Thank you.

Et voilà, déjà se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Il vient d'arriver dans les studios avec ADN tout de suite. Vous le retrouvez pour un midi 14h. Il n'est pas tout seul, il est accompagné par MD de l'Eclipse à Moucron. Voilà, je me suis pas trompé. Je vous laisse en compagnie avec ces deux-là. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite bien sûr un excellent début de semaine avec Stéphane Laroche, avec Willy, avec Tony et aussi Guillaume. N'oubliez pas, si vous voulez avoir plus de détails concernant les soirées pour ce mercredi Tantaville, n'hésitez pas à aller sur le site de Galaxy, www.galaxy.fm.com. Vous allez dans la rubrique soirée.